arrête, y'en a marre, je te supporte plus. Tu fais aucun effort, on dirait que t'es perdu. S'il te plaît, dis-moi comment on en est arrivé là. S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu sens mauvais comme ça. Depuis que tu vis ici, t'es devenu une vraie épave. Tu te laves même plus, je te jure, ça devient grave. Je peux plus tolérer autant de négligence. Il faut que tu te fasses soigner maintenant, barre-toi aux urgences. Je sais pas comment j'ai fait pour autant te supporter. Tant d'années de souffrance, tant d'heures en apnée. Tu sais pas ce que c'est toi de devoir tourner la tête sans pouvoir expliquer à l'autre ce qui nous embête. Mais bon, franchement, ce n'est pas le seul problème. Désolé si je te blesse, tu sais qu'au fond de moi je t'aime. Dans l'intimité, je tolère encore que tu me lèches la joue. Mais pas devant ma mère quand elle vient manger chez nous. Bon, je sais, tu m'aimes, alors je peux toujours l'accepter. Mais le faire à ma mère, ça c'était vraiment déconné. Et espèce de salope, tu crois que je t'ai pas vu faire. Je parfumais une clope, je te retrouve sur les genoux de mon frère. C'était beau, c'est fini, que la vie est dure. La joie, le bonheur, et maintenant la rupture. C'était beau, c'est fini, que la vie est dure. La joie, le bonheur, et maintenant la rupture. Et puis c'est quoi aussi, tes caprices à deux balles. J'en ai marre, tu gueules à chaque fois que t'as la dalle. Et après, qui c'est qui doit expliquer aux voisins pourquoi tu cries dans l'escalier à 2h du matin. Et quand je fais du rap, tu viens me casser les œufs. Comment veux-tu que je batte Bilal, le rappeur du 9-2? Non bébé, ne me regarde pas avec tes grands yeux. J'ai trop encaissé pour qu'entre nous, ça aille mieux. Je sais qu'envers toi, la vie s'est parfois montrée très dure. T'as pas connu ton père, ta mère est morte sous une voiture. C'est dans la rue que je t'ai trouvé, je t'ai offert un toit. Alors ce serait bien que t'arrêtes de tout casser chez moi. Bébé, je sais pas ce qui tombe pas rond, mais à quoi franquer la trouille. Depuis ton opération, t'es grave parti en couille. Je reconnais plus mon appart et mes meufs partent en morceaux. Tu manges mes plantes vertes, tu déchires mes rideaux. Quand tu me rejoins dans le lit, maintenant tu me griffes. Recommence une fois et il te part une gifle. Putain bébé, moi qui aimais ton côté sauvage. Il aurait peut-être fallu investir dans une cage. C'était beau, c'est fini, que la vie est dure. La joie, le bonheur, et maintenant la rupture. C'était beau, c'est fini, que la vie est dure. La joie, le bonheur, et maintenant la rupture. Puis merde, dis-moi, pourquoi t'as chié sur la terrasse? C'est moi qui ai dû tout nettoyer, espèce de connasse. La prochaine fois, à défaut, tu utilises un journal. Sinon, je te jure que je t'éclate à coups de sandales. Au fait, merci d'avoir déchiqueté mes chaussures. T'inquiète, tu vas payer ça, espèce de raclure. Dès demain matin, je te fous dans un sac. Tu la ramèneras moi, car tu seras au fond du lac. C'était beau, c'est fini, que la vie est dure. La joie, le bonheur, et maintenant la rupture. C'était beau, c'est fini, que la vie est dure. La joie, le bonheur, et maintenant la rupture. Bébé, tu sais, je suis désolé de cette violence. Au fond de moi, ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Tu sais, je t'aime toujours et je vis avec toi. Mais je crois que c'est mort, bébé, sur nous j'ai fait une croix. Les erreurs du passé, je veux pas les refaire. Je te jure, bébé, tu seras la dernière. Ma décision est prise et je n'y reviens pas.